بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on continue le dars de fiqh sur le livre de Ibn Qudama rahimahullah, Umdat al-Fiqh. On est arrivé à chapitre Bab Nawaqid al-Wudu, le chapitre des annulations de l'Wudu. Les annulations de l'Wudu, on dit Naqid, le pluriel c'est Nawaqid, on dit aussi al-Mubtilat. C'est ceux qui annulent l'Wudu, qui le rendent batil. Donc si la personne veut refaire un acte dans lequel la purification est une obligation, il faut qu'il refasse l'Wudu. Imam Ibn Qudama, rahimahullah, il dit « Bab naqd al-Wudu wa hiya sab'atun » et elles sont au nombre de 7, ces annulations. Il y a 7 choses qui annulent l'Wudu. On va voir s'il y en a 7 ou pas. On va les prendre une par une, comme il a dit Ibn Qudama. On va citer les ulama, les adillah, les preuves et les paroles des ulama. Ensuite, il dit, une chose qui est très importante à savoir avant de citer la première, c'est que on ne peut pas dire que quelque chose annule le wudu, sauf si on a une preuve claire. Une preuve claire du Coran, de la sunna ou de l'ijma. D'accord? Puisque le wudu, le wudu, il est établi avec certitude. T'as fait ton wudu avec certitude. Donc tu ne peux dire qu'il est annulé que avec certitude. La règle a dit, القاعدة الفقهية تقول, اليقين لا يزول بالشك. La certitude ne peut pas être enlevée par le doute. Voilà. Le premier naqid qu'il a cité, il a dit, الخارج من السبيلين. Ce qui sort littéralement des deux sentiers. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui sort, du sexe de l'homme ou de la femme, et tout ce qui sort de son derrière. D'accord? La preuve de cela, c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim an Abi Huraira radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. فقال رجل من أهل الحضرموت من أهل حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء ودرات متفق عليه. أبو هريرة rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, la salade de l'un d'entre vous n'est pas acceptée s'il a fait un hadath jusqu'à ce qu'il fasse al-wudu, d'accord, jusqu'à ce qu'il refasse les ablutions. Un homme des gens de Hadramaut, c'est au Yémen, il a dit, qu'est-ce que le hadath, oh Abu Huraira? Il a demandé à celui qui rapportait le hadith. Et il lui a dit, Fusa'un wa Durat. C'est quoi? C'est deux sortes de, comment on appelle ça? Des vents, quoi. Des pets, on dit aussi, tu vois. C'est-à-dire des gaz, voilà, des gaz. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء. المغني المجلد الأول. ابن المنذر رحمه الله أبو بكر عند الصبان دي برمير سيك كثير سيك الله أعلم il a dit les ulama sont unanimes, ça n'y aura pas de divergence sur ça. Comme quoi, le fait que les excréments, que la personne fasse des excréments, aille aux toilettes, quoi, fasse ses besoins, ou qu'il urine, ou que le mazi sorte, le mazi c'est un liquide qui sort du sexe de l'homme, lorsqu'il y a, par exemple, une excitation, d'accord? Ou le fait qu'un vent sorte du derrière de l'homme, tout cela annule le wudu. Ce sont des ahdath, des choses qui annulent le wudu. Donc il y a unanimité sur ces choses-là. Il y a personne qui dit uriner, faire les excréments ou faire un gaz, ça n'annule pas le wudu. D'accord? Il y a unanimité sur ça. Et ça, c'est dans le Mourni, le volume 1, la page 214. Ensuite, il dit Ibn Qudama rahimahullah, wal kharij an-najis min ghayrihima idha fahusha. Il dit, et ce qui sort comme impureté, qui sort des deux trous, ou même d'un autre trou que cela, s'il y en a beaucoup. Ça veut dire quoi, par exemple? Il y a des personnes, qu'Allah vous en préserve, qui ont des problèmes d'excréments, par exemple. Leurs excréments, ils sortent par une poche. Vous voyez, ils leur font un trou, et ça sort, par exemple, dans une poche, qu'Allah vous en préserve. Ben, cette personne-là, lorsque ses excréments sortiront, par exemple, dans cette poche-là, il a annulé son wudu. Il faut qu'il refasse son wudu. Vous comprenez ce que je veux dire? Et alors, si les excréments, ils sortent par un autre endroit que l'endroit habituel, ça annule quand même le wudu. Pareil pour l'urine, quoi. Et s'il y en a beaucoup, Ibn Qudama rahimahullah, il dit dans un livre qui s'appelle Al-Kafi, à la page 32, il dit quoi? Wa huwa naw'an, gha'itun wa bawl. فينقض قليله وكثيره لدخوله في النصوص المذكورة والثاني دام وقيح وصديد وغيره فينقض كثيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إن دم عرق فتوضأ لكل صلاة رواه الترمذي. دي ابن قدامة sont deux sortes les impuretés qui sortent d'un endroit inhabituel, soit de l'urine et des excréments, ça du moment qu'il en sort, que ça soit peu ou en grande quantité, ça annule le wudu. On est d'accord? Si les excréments comme l'urine et les excréments sortent d'un autre endroit que les trous habituels, ça annule le wudu. Le deuxième, c'est le sang, le pus. D'accord? D'ici, il y en a beaucoup, beaucoup de sang qui sort. La personne, elle saigne beaucoup. Ça annule le wudu. Il dit, c'est l'avis de Ibn Qudama. Et il se base sur un hadith de Fatima bint Abi Hubeish, comme quoi, lorsqu'elle a eu al-istihada, le métrorragie, c'est-à-dire le fait que le sang coule du sexe de la femme, mais sans que ça soit les règles. C'est pas les règles. En fait, c'est une veine qui s'est rompue à l'intérieur et ça saigne comme le sang des, ça ressemble aux règles, mais ce n'est pas les règles. Et c'est pas les mêmes règles, les mêmes ahkam, les mêmes statuts que les menstrues. D'accord? Ça, on en parlera par la suite, inshallah. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand même, il lui a dit quoi? C'est un sang qui vient d'une veine. Mais fais le wudu pour chaque salat. Rapporté par At-Tirmidhi. Donc c'est la preuve que ça annule al-wudu. Il dit fa'alala bi kawnihi damu 'irqin wa hadha kadhalik li'annaha najasatun kharijatun min al-banad min al-badani ashbahat al-kharijun min as-sabil wa la yanqudu yasiruhu liqawli Ibn Abbas fi ad-dam in kana fahishan fa'alayhi al-i'ada wa al-Imam Ahmad 'iddatu min as-sahaba takallamu fi Ibn Umar 'asara bathratan fa kharaja dam فصلى ولم يتوضا وامن باوفى عصر دملا وذكر غيرهما ولم يعرف لهم مخالف عصرهم فكان اجماعا. Mais les ulémas, ils ont dit, si c'est du sang en petite quantité, si c'est du sang en petite quantité, là ça n'annule pas le wudu. Il faut que ça soit vraiment en grande quantité. Et ils se sont basés, comme l'imam Ahmed rahimahullah, il a dit, comme quoi beaucoup de sahaba ont fait cela. Par exemple, Ibn Umar, il a pressé un bouton qu'il avait, de ce bouton il est sorti un peu de sang et il a fait la salade directement. Il a pas refait son wudu. Lorsque la personne elle a une petite plaie ou qu'elle a elle presse un bouton ou une petite plaie ou un peu de sang qui coule, elle refait pas le wudu, ça n'annule pas le wudu, d'accord? Et en ce qui concerne est-ce que c'est peu ou beaucoup, ça revient à l'habitude des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment de limitation dans la sharia, comme il dit. Voilà, comme il dit le Khalal, rahimahullah, wa alladhi istaqarra alayhi qawlu, yani qawlu l'imam Ahmed, inna al-fahisha mastafhishuhu kullu insanin fi nafsihi. Ce qui est beaucoup, c'est ce que toute personne à lui-même, il voit comme beaucoup, que ça saigne beaucoup. Là, c'est l'avis de beaucoup de ulama, je vous l'ai dit, c'est dans le livre Al-Kafi. La troisième annulation de l'wudu, vous suivez, on essaye de le faire mukhtasaran, résumé, de pas trop détailler. Le but, c'est de pas trop détailler, de savoir, voilà. Faire des cours relativement simples. La troisième annulation de l'wudu, il dit Ibn Qudama dans 'Amdat al-Fiqh, wa zawalu al-'aqli illa an-nawm al-yasir jalisan aw qa'iman. Il dit le fait que la raison s'en aille, hein, l'absence de raison. Il dit sauf exception, un sommeil court d'une personne assise ou debout. On va le détailler inchallah. En ce qui concerne le dhahab al-'aql, il y a l'ijma' sur cette question-là. Al-Shawkani, il a rapporté de An-Nawawi, il dit « وَاتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ زَوَالَ الْعَقْلِ بِالْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ بِالْخَمْرِ أَوِ النَّبِيذِ أَوِ الْبَنْجِ أَوِ الدَّوَاءِ يَنْقُضُ الْوُضُوءِ سَوَاءٌ قَلَّ أَوْ كَثُرُ وَسَوَاءٌ كَانَ مُمَكِّنُ الْمِقْعَدَةِ أَوْ غَيْرُ مُمَكِّنِيهَا مِنَ الْأَوْطَارِ المجد الأول. Nawawi, donc, il dit, ils sont unanimes, c'est-à-dire les ulama, l'ittifaq, ijma'. On était là au premier dars, on a vu que c'était la troisième base sur laquelle on base le fiqh, al-ijma'. Ils sont unanimes, les ulama, pour dire que si la personne perd la raison, par la folie, ou s'évanouit, ou est ivre, par l'alcool, hein, ou par un nabiz, c'est quelque chose qui est autre que de l'alcool, c'est du jus de fruits, mais fermenté, ou al-benj, Allahu a'lam, c'est l'opium, ou par exemple en traitement on pourrait dire al-hashisha, ou dawa, ou même un médicament, tout cela annule le wudu. Il y a unanimité. Que cela soit un temps court ou un temps non, ou un temps long. On est d'accord? Qu'il soit assis ou debout ou couché, etc., etc. Du moment que la raison s'en va par une de ces questions qu'on a citées, d'accord? Folie, ivresse, comment ça s'appelle, tomber dans le coma, tomber dans les pommes, comme on dit, ou des choses comme ça, évanouissement, tout ça, ça annule le wudu. Il y a unanimité sur la question, c'est rapporté par un Shawkani qui l'a rapporté de Nawawi dans l'Autar, le volume 1, la page 209. Ibn Qudama, rahimahullah, il dit, lui, dans le Mourni, il dit, Zawal al-Aql 'ala al-darbayn. On va citer, inshallah, directement la vie de Shawkani, comme quoi il dit, la vie le plus juste, et il se base sur le hadith bien connu, عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون رواه أبو داود وقال ابن المبارك هذا عندنا وهم جلوس. Donc Abu Daoud il rapporte dans son Sunan, c'est le hadith numéro 200, il dit que Anas disait les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam attendaient al-isha, ils attendaient al-isha dans la mosquée, ils attendaient la prière de l'isha après le maghrib, ils s'asseyaient. Et disait certains d'entre eux, ils s'endormaient jusqu'à ce que leur tête tombe comme ça. D'accord? Et ensuite, ils se levaient et ils faisaient la salat sans refaire le wudu. Et le Moubarak, il a expliqué ceci, il a dit ça, c'est parce qu'ils étaient assis. Donc, ils s'endormaient assis. Ils étaient assis dans la mosquée. Au bout d'un moment, à force d'attendre, ils s'endormaient. D'accord? Dans ce cas-là, la vie le plus juste, à cause de, grâce à ce hadith, on peut dire que le sommeil, il annule le wudu. Si la personne se couche, il se réveille dans le matin, elle n'a pas de doute, ça annule le wudu. Mais si jamais il s'endort en étant assis un temps assez court, comme il a dit Ibn Qudama, et comme il a dit Shawkani, ça n'annule pas le wudu. Ça n'annule pas le wudu. Comme il a dit Shawkani, dans l'Autar, أنه إذا نام جالسا ممكن مقعدته من الأرض لم ينقض عفوا سواء قال أو كثر سواء كان في الصلاة أو خارجها قال النووي وهذا مذهب الشافعي. Il dit comme quoi ça c'est l'avis de Shafi'i, comme quoi si la personne dort en étant assis et en ayant le derrière bien appuyé pour ne pas sortir de gaz sans s'en apercevoir, ça n'annule pas le wudu. Et la preuve c'est le hadith qu'on vient de citer, le hadith de Anas. La quatrième annulation de l'wudu, l'amsu dhakari bi yadihi, le fait de toucher son organe, son sexe littéralement, avec sa main, c'est-à-dire directement avec sa main. Dans ce cas-là, il y a deux hadiths. On trouve les deux hadiths dans Bulugh al-Maram. D'accord? Il y a un premier hadith qui dit, An Busra, An Talq, pardon. Le premier hadith, il dit, عن طلق ابن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء قال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك أخرجه الخمسة وصح ابن حبان وقال ابن المديني وأحسن من حديث بصرة. طلق ابن علي rapporte qu'un homme est venu au prophète صلى الله عليه وسلم et lui a dit, si une personne touche son sexe, est-ce qu'il doit refaire le wudu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, c'est une partie de toi. C'est une partie de toi, comme ton bras ou comme... Ce hadith, il est rapporté par Al-Khamsa, c'est-à-dire Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Al-Nasa'i, Ibn Majah, et aussi par l'imam Ahmad et l'imam Ibn Hibban. Ibn Hibban, il a authentifié parmi les savants du hadith. Ibn al-Madini, c'est aussi un grand savant du hadith, il a dit, il est plus authentique que le hadith qui va suivre, le hadith de Bousra. Ce hadith, si on le prend tout seul, qu'est-ce qu'on fait? On dit non, toucher le sexe, ça n'annule pas le wudu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, ne refais pas le wudu. D'accord? Seulement, il y a un deuxième hadith. Le deuxième hadith, toujours dans Bulugh al-Maram, il dit, عن بصرة بنت سفيان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ أخرجه الخمسة وصحه الترمذي وابن حبان وقال البخاري وأصح شيء في هذا الباب. Bousra bin Safwan, radiyallahu anha, c'est une femme, une sahabiya, elle a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui touche son sexe, qu'il refasse le wudu. Ce hadith, il est rapporté par Al-Khamsa, c'est-à-dire exactement les mêmes, et Al-Tirmidhi l'a authentifié, ainsi qu'Ibn Hibban aussi, d'accord? Et Al-Bukhari a dit, c'est le hadith le plus authentique sur cette question-là. Bukhari. Comment on en arrive à dire que oui, toucher le sexe, ça annule le wudu, puisqu'on a deux hadiths qui sont en apparence contradictoires. C'est important de voir comment on va rassembler. Pourquoi? Parce que ça peut arriver dans ce genre de choses, ça arrive des fois quand on lit le livre de hadith, sans forcément avoir étudié le fiqh, on tombe sur des problèmes comme ça. Ça vous est déjà arrivé, je pense. Parce que vous lisez un peu dans le Bukhari, ou un peu dans le Boulour, ou un peu dans des livres comme ça. Taïf. Alors, comment on dit, ou comment on en arrive à dire que le hadith de Bousra, c'est-à-dire le hadith qui dit que celui qui touche son sexe, qu'il refasse le wudu, est plus authentique que le hadith de Talq. En disant que ce deuxième hadith, comme il dit Sanani, rahimahullah, il dit فَإِنَّ حَدِيثَ بُسْرَةَ أَرْجَحُ لِكَثْرَةِ مِنْ صَحَّهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَلِكَثْرَةِ شَوَاهِدِهِ نعم ولأن بصرة حدثت به في دار المهاجرين والأنصار وهم متوافرون ولم يدفعه أحد بل علمنا أن بعضهم صار إليه عروة من روايتها فإنه رجع إلى قولها وكان قبل ذلك يدفعه وكان ابن عمر يحدث به عنها ولم يزل يتوضأ من مس الذكر إلى أن مات وقال البيهقي يكفي في ترجيح حديث بصرة على حديث طلق بن علي أنه لم يخرجه صاحب الصحيح ولا احتج بأحد من رواته وقد احتج بجميع رواة حديث بصرة ثم إن حديث طلق من رواية قيس بن طلق قال الشافعي قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد ما يعرفه essentiel ce qui dit Sanani رحمه الله dit quoi le hadith de Bousra c'est-à-dire le hadith qui nous dit que toucher le sexe ça annule le wudu ou qu'il faut refaire le wudu il est plus authentique et il y a beaucoup plus d'imams qui l'ont authentifié que l'autre hadith qui dit que ça n'est pas le wudu. D'accord? Et que comme quoi, Bousra, la femme qui a rapporté ce hadith, elle disait ce hadith à Médine, c'est-à-dire là où il y avait le plus de sahaba, comme il dit, Dar al-Muhajirin wal-Ansar, là où il y avait les émigrés et l'Ansar, ceux qui ont secouru le din, c'est-à-dire l'Ansar. Il dit, et aucune personne n'est venue et ne lui a dit non, ce hadith que tu dis, il n'est pas vrai, ou cela, c'est pas vrai. D'accord? Mais même certains sahaba, ils ne faisaient pas le wudu du fait qu'ils touchaient leur sexe. Et quand ils ont entendu le hadith, ils ont commencé à le faire, comme Urwa, ou comme Abdullah ibn Omar. Et jusqu'à ce qu'il meure, Abdullah ibn Omar, c'est un des derniers compagnons à être mort, puisque c'était un petit compagnon, c'était le fils de Omar, qui était jeune. Jusqu'à sa mort, quand il se touchait le sexe, il refaisait le wudu. C'est-à-dire, il appliquait ce hadith. D'accord? Donc ça nous prouve, ça nous indique que c'est ce hadith qui est plus authentique et c'est cet avis-là qui est le plus appuyé et le plus juste. Wallahu a'lam. Donc, il dit. البهاء celui qui a expliqué العمدة il dit وسواء مسه ببطن كف أو بظهره d'accord et qu'il le touche par l'intérieur de la main ou par l'extérieur d'accord ça en est le wudu s'il le fait involontairement est-ce que ça en est le wudu ou pas si la personne il a un gaz involontairement ça en est le wudu طبعاً ça en est le wudu que ça soit involontaire ou volontaire c'est pas la question ça en est le wudu d'accord donc ça en est le wudu est-ce que c'est applicable aussi pour la femme c'est applicable aussi pour la femme. Parce qu'il y a des hadiths qui nous parlent de farj, de sexe, et pas de zakar. Zakar, c'est le sexe de l'homme. Il y a d'autres hadiths qui nous parlent de farj. D'accord? En ce qui concerne le sexe de la femme, on a le hadith d'Abi Ayyub, Umm Habiba, où il a dit « Man massa farjahu falyatawadda » قال Ahmad, hadith Umm Habiba, sahih. « وهذا عام من ونصه على نقد الوضوء بمس فرج نفسي نعم donc ça c'est dans Manar al-Sabil on vient de lire dans un livre de fiqh qui s'appelle Manar al-Sabil à la page 32 de l'édition Al-Muktaba Islami le hadith de Abi Ayyub et d'Umm Habiba il dit comme quoi celui qui touche son sexe farj c'est général pour l'homme et pour la femme qu'il refasse le wudu et l'imam Ahmed il a dit ce hadith est sahih il est authentique et ce hadith comme il dit dans Manar al-Sabil est général d'accord général ça est pour l'homme et la femme on est d'accord avec ça. Il dit, dans l'Udda Shah al-Umda, il dit, voilà un coup de l'âme sous le dira, il y a une houleïs amine al-yed. S'il touche avec l'avant-bras, ça n'annule pas le wudu. Parce que ce n'est pas l'yed. Ici, c'est biyadi. Donc c'est la main juste qui annule le wudu. Que ce soit la main intérieure ou extérieur, d'accord? Ça a mis le wudu. On l'a dit, il y a certains éléments qui disent qu'il faut que ça soit volontaire, d'accord? Mais si on se base sur les autres naqs de l'wudu, sur les autres annulations de l'wudu, il n'y a pas de volontaire. Que ce soit dans le gaz, que ce soit dans l'urine, que ce soit dans les excréments. Une personne qui, malheureusement, urinerait sans s'en apercevoir, ça annulerait quand même son wudu, même s'il a des dérogations spéciales. Ensuite, ils disent, les ulama, ils disent, Al-Khamis, Antamussa, Basharatahu, Basharata Unfa. Basharatuhu, Basharata Unfa. La cinquième, sur celle-là, on va voir que c'est pas l'avis le plus juste. Comme quoi, s'il touche une femme, s'il touche, si la, sa peau touche la peau d'une femme, ça annule le wudu. D'accord? Ça, c'est un avis, parmi l'avis des fuqaha, et il se base sur un verset, sur le verset 6, dans la surat Al-Ma'ida, surat 5. Allah il dit à propos de l'oudou, Aula mastumun nisa, que vous avez littéralement touché les femmes. Alors, vous devez refaire votre oudou. D'accord? Et l'avis le plus juste, c'est pas ça. Pour deux raisons. La première, c'est que, la mastum el munamasa ici, c'est el jima'. El munamasa ici, c'est el jima', c'est les rapports sexuels. C'est pas le simple fait de toucher une femme. Et le deuxième, la deuxième preuve, c'est le hadith d'Abu Daoud, le hadith 178 de Sunan Abi Daoud. Comme quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qabbala Aisha ta thumma salla wa lam yatawadda. Comme quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a embrassé Aisha, et il a prié sans refaire le wudu. Embrasser, c'est pire que toucher. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est clair que toucher une femme, ça n'annule pas le wudu. Le sixième, ar-riddatu an al-islam. Le sixième, l'apostasie. Le fait d'apostasier de l'islam. C'est-à-dire, on va le voir, dans le prochain dars de Tawhid, lorsqu'on va étudier les annulations de l'islam, les 10 principales qui font unanimité, le Mujma Aleyha, qu'il a cité le Cheikh Mohamed Abdouhab dans sa Risala, s'il fait une de ces choses-là, non seulement il sort de l'islam, mais en plus il annule son wudu. C'est-à-dire, s'il revient à l'islam après, il faut qu'il refasse le wudu. Il dit, Ibn Qudama rahimahullah, wa huwa yantuqa bi kalimati kufrin aw ya'taqiduha aw yashukku shakkan yukhrijuhu min al-islam. فينتقد وضوءه لقول الله عز وجل لئن اشركت لاحبطن عملك والطهارة عمل ولأن الردة حدث لقول ابن عباس الحدث حدثان وشدهما حدث اللسان. Il dit, c'est pas Ibn Qudama qui dit ça, c'est son élève Bahaeddin al-Maqdisi rahimahullah dans l'Udda Sharh al-Umda, l'explication de l'Umda al-Fiqh. Il dit, l'apostasie à l'islam, c'est le fait de prononcer une parole de mécréance ou d'y croire ou de douter d'un doute qui fait sortir de l'islam, cela annule le wudu. Car Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, dans surat Zumar, verset 65, « La inna shrakta la ahbatan amaluk », ce qui signifie, si tu associes, tes actes seront annulés. Et le wudu, c'est un acte. Donc cet acte-là, en particulier, il est annulé. Si la personne il fait une annulation de l'islam, est-ce que tous ces actes de bien qu'il a fait précédemment sont annulés? Les ulama, ils ont dit non. Les actes qu'il est en train de faire, c'est-à-dire par exemple le wudu, il est annulé. Et tous ces actes sont annulés si jamais il meurt dans cette rite. Mais s'il revient après dans l'islam, la plupart des ulama, parmi lesquels les savants de Najd, comme Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dans le volume 10 du Dorage Seigneur, ils disent comme quoi ces actes ne sont pas annulés. C'est-à-dire s'il a fait le hajj, par exemple, et qu'il apostasie, wa liyadu billah, ayyadu billah, comme on nous en présente, et qu'après il revient à l'islam, il n'a pas besoin de refaire le hajj. Sauf si éventuellement il avait fait le hajj pendant son apostasie, ça c'est autre chose. As-sabi'u, la septième annulation, aklu lahm al-jazour, le fait de manger la viande de chameau al-jazour. Lima rawa Jabir ibn Samura anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, ana tawadda'u min luhum al-ghanam, wa la in shi'ta fatawadda' wa in shi'ta fala tatawadda'. قال انا توضا من لحوم الابل وقال نعم توضا من لحوم الابل رواه مسلم قال احمد حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمره تصل العده شرح العمده لا بروف ك مانجي دو لا فياند دو شامو seulement la viande de chameau annule le wudu. Donc quand Jabir ibn Samura rapporte que un homme est venu au prophète صلى الله عليه وسلم, il lui a dit, est-ce qu'on fait le wudu lorsqu'on mange de la viande de mouton? Il a dit non. Est-ce qu'on fait de l'oudo lorsqu'on mange de la viande? Non, il a dit, pardon, excusez-moi, si tu veux, refais l'oudo. Si tu veux, ne refais pas l'oudo. D'ailleurs, c'est pas une obligation. Il dit, est-ce qu'on fait l'oudo de manger de la viande de chameau? Il a dit oui, refais l'oudo. C'est la preuve que c'est l'avis le plus juste parmi l'avis des ulama. Le hadith est rapporté par Muslim. Ensuite, il dit Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منها فهو على ما تيقن منها. Et celui qui est sûr qu'il était en état de purification et qui doute est-ce que sa purification a été annulée ou pas, ou celui qui est sûr qu'il n'était pas en état d'ablution, c'est-à-dire qu'il n'était pas pur, et qu'il doute est-ce qu'il a fait le wudu ou pas, il se base sur la certitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une personne il se souvient avoir fait le wudu et il ne se souvient pas avoir annulé son wudu, ben, il refait pas le wudu, il prie. On est d'accord? Si la personne, il est sûr, par exemple, qu'il est allé aux toilettes, et il se souvient pas après avoir fait le wudu ou pas, celui-là, il est sûr qu'il n'a pas le wudu. Et sur certitude, c'est qu'il n'a pas fait le wudu, c'est qu'il a été aux toilettes, donc il doit refaire le wudu. Vous avez compris? Ça, c'est basé sur un hadith, un seul hadith. Comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا لم يخرج, ou dans une version, فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متفق عليه بأن اليقين لا يزول بالشك. Il dit comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce hadith est dans le Bukhari et Muslim, si l'un d'entre vous trouve quelque chose dans son ventre et que cela lui pose problème, qu'il ne sorte pas de la salade, ça c'est pendant la salade. Par exemple, tu as l'impression d'avoir fait un gaz pendant la salade. Qu'il ne sorte pas de la salade jusqu'à ce qu'il entende un bruit ou qu'il sente une odeur. D'accord? Donc il faut qu'il en ait la certitude. Il se peut qu'il y ait ça c'est le west-west. Dans la salade, il y a un west-west. Il a l'impression qu'il a perdu son wudu, qu'il y a quelque chose qui a coulé ou quoi que ce soit. On l'a vu ça dans le bas de wudu. S'il a trop sang, qu'est-ce qu'il fait? Il met un peu d'eau dans ses sous-vêtements pour enlever ce west-west là. Pareil, pour le gaz, il bouge pas de sa salade, il continue à prier, c'est le shaitan qui veut lui faire casser sa salade, en fait. Donc, il ne sort pas de sa salade jusqu'à ce qu'il entende un bruit, qu'il sente une odeur. C'est-à-dire qu'il est là. Certitude d'avoir eu un gaz. Ensuite, on rajoute, ça n'est pas d'Amdat al-Fiqh. Il nous reste trois questions à traiter. Ça n'est pas d'Amdat al-Fiqh. On le rajoute d'un autre livre du Fiqh qui s'appelle Zad al-Mustaqni', aussi dans le madhhab de l'imam Ahmed. Il dit, l'auteur de Zad al-Mustaqni', al-Hajjawi, il dit, rahimahullah, wa yahrum ala al-muhdath. Il est interdit pour celui qui n'a pas le wudu. Trois choses. Il est interdit pour celui qui n'a pas le wudu. Trois choses. Le premier, massul mushaf. Le toucher, al-mushaf, la copie du Coran. La copie du Coran. De toucher le Coran. C'est-à-dire, lorsque la personne, il veut toucher le Coran, il doit faire le wudu. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, قال Ibn Taymiyyah, مذهب الأمة الأربعة, مذهب الأمة الأربعة أنه لا مس المصحف إلا طاهر, كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم, أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام أحمد لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه, وهو أيضا قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما, ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف, في مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 66 و200. ابن تيمية رحمه الله il a dit l'avis des quatre imams qu'on ne peut toucher le mushaf, la copie du Coran, sans avoir le wudu. Et cela a été écrit dans l'écrit qu'a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un compagnon qui s'appelle Amr ibn Hazm. Dans cet écrit, il y a écrit que personne ne touche le Coran, sauf une personne purifiée, pure. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a le wudu. L'imam Ahmed a dit, il n'y a pas de doute que cela a été écrit par le prophète, c'est-à-dire envoyé par le prophète. C'est pas le prophète qui l'a écrit, puisqu'il n'écrivait pas. C'est un de ses compagnons qui était son scribe. Il a dit, cela est l'avis de, Ibn Taymiyyah a dit, cela est l'avis de Salman al-Farisi, parmi les grands compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma. Il dit, on ne connaît pas de divergence dans cela entre les compagnons. D'accord? Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, il a dit, dans un petit livre de fiqh qui s'appelle Adab al-Mashi al-Salah, il est traduit en français, وَلَا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ وَلَهُ حَمْلُهُ بِعِلَاقَةٍ أَوْ فِي خُرْجٍ فِيهِ مَتَاعٍ أَوْ فِي كُمِّهِ وَلَهُ تَصَفُّحُهُ بِعُودٍ أَوْ نَحْوِهِ. Il dit, il n'est pas permis, pour celui qui n'a pas le wudu, de toucher le Coran. Mais il peut le prendre, par exemple, avec des liens, si jamais il a des liens, des cordes comme ça, le porter comme ça. Ou par exemple, dans un tissu, tout à fait, avec le qamis. Il ne le touche pas directement. Il dit, il peut le toucher dans un sac. Il peut le porter dans un sac. D'accord? Il peut le porter avec sa manche, par exemple. D'accord? Il dit, et il peut tourner les pages avec un bâton. D'accord? Mais il ne le touche pas directement avec la main. C'est ça le sens du hadith précédent qu'on a cité. Walahu massu tafsirin wa kutubin fihi Qur'an. Et il est permis de quoi? De toucher des livres de tafsir. Ça s'applique aussi aux livres de Coran dans lesquels il y a l'arabe et le français. C'est considéré comme étant un livre de tafsir. D'accord? Ou de toucher tafsir al-Mukathir ou un livre de fiqh. D'accord? Voilà. Voilà. Ensuite. Voilà. Donc je tiens à préciser que c'est le fait de le toucher qui est interdit. Quant au fait de réciter, c'est autre chose. C'est permis même pour la personne qui n'y a pas le wudu. D'accord? Et c'est interdit pour celui qui est en état de janaba, qui est en état d'impureté majeure. Ça, on le verra dans le chapitre de janaba, le chapitre du ghusl. Celui qui est en état de janaba, il n'a pas le droit de réciter le Coran. Il doit faire le ghusl. Quant à la femme qui a ses règles, ses menstrues, elle a le droit de réciter le Coran. D'accord? Elle a le droit de réciter le Coran parce que le hadith qui l'interdit est da'if. On va le voir, inshallah, dans les chapitres suivants. La deuxième chose qu'il est interdit de faire, bien sûr sans wudu, c'est la salah. La salah, hadith on a cité plusieurs fois. La salah ali ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda, muttafaqun alayh, an Abi Huraira. Comme quoi, il n'y a pas de salah pour l'un d'entre vous s'il n'a pas le wudu jusqu'à ce qu'il refasse le wudu. S'il rompt son wudu jusqu'à ce qu'il refasse le wudu. Et il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et la troisième chose, c'est at-tawaf. Le tawaf, le fait de tourner autour de la Kaaba, le tawaf, donc. Ils se sont basés sur le hadith, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, at-tawaf bil bayti salat, illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Rawahu al-Shafi'i fil Umm. Comme quoi, le tawaf autour de la maison sacrée est une salate, sauf qu'Allah y a permis de parler. Donc les ulémas, ils sont basés sur ce hadith pour dire que il y a permis d'y parler, mais ça reste une salate, donc il faut avoir lieu pour le faire. Certains ulémas, comme Ibn Taymiyyah, rahimahullah, voient qu'il n'est pas une obligation d'avoir le wudu pour faire le tawaf. Si on fait le fiqh du hajj, on essaiera d'en parler plus en profondeur. Et on l'a dit, on le cite maintenant, comme ça, ce sera cité, Inch'Allah ta'ala. Comme quoi, les ulama ont dit, comme dans Manar al-Sabil, ils disent, وَيَزِيدُ مَنْ عَلَيْهِ غُسْلٌ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يُحْجِبُهُ وَرُبَّمَا قَالَ لَا يُحْجِزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَ. رَاهُ بْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ Darqutni wa sahaha. Quoi? Ils ont dit, les ulama, comme quoi, celui qui n'est pas, qui est en état de janaba, c'est-à-dire qu'il doit faire le rusl, ne doit pas non plus lire le Coran. Et ils sont basés sur le hadith de Ali, radiallahu anhu, comme quoi il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rien ne l'empêchait de lire le Coran, si ce n'est al-janaba, le fait d'être en impureté majeure. Ce hadith, il est rapporté par Ibn Khuzayma, al-Hakim al-Darqutni, qu'il a authentifié. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم